L'avenue Louise va être fermée par la police. Pour le bien-être, pour l'image de tout un chacun, pour la sécurité de femmes, hommes et enfants qui sont présents ici, nous demandons à toutes et tous, bien entendu, de garder notre calme, d'imposer l'image de respect. Nous sommes en train d'imposer le respect au monde par notre comportement. Soyons-le, restons-le. Je rappelle bien entendu.